Au peu, mon gros. Si ça se trouve, demain c'est la fin. Vas-y, fais l'effort, une prof sans FN, imagine la tête de Le Pen sous cellophane. Si ça se trouve, y'a pas de monde homogène, tu parles trop et tes propos gênent. Si ça se trouve, on taffe toujours pas, car elle a des tout part, mais qu'est-ce tu pars. Je m'en bats les couilles, ton taf de guêche tout port, toujours la même. Non, je veux pas, je veux les seconds rôles, je veux pas entendre encore une fois ce con rose. Si ça se trouve, mon voisin, une fausse à Francis Home, pédophile et libre, parce que la justice défend ses chauds, mon facteur lui, vote le national sous ses chiens. Et donc tu courbes les chines, le monstre attrape, ça chauffe comme aux Seychelles. Si ça se trouve, t'es dans le collimateur, tu joues les terroristes, mais y'a pas de bombe dans le collimateur. Eh hey, ma gueule, si ça se trouve, j'aurais pu être footballeur, avoir de la maille à gogo, être célèbre et footballeur. Si ça se trouve, t'écoutes mon son dans ton automobile, je pense à t'en pétant ma bœuf, et toi tu te fais sauter ma belle. Ne star, si ça se trouve, quand il est chaud, il peut t'échanger, même un bras cassé comme Téléchat. Si ça se trouve, balise quand j'apprends que nos vies se raccourcissent. Fédération, mon crew, y'en a pour 4, donc y'en aura pour 6. Si ça se trouve, j'ai vu ton mec et je l'ai frappé pour me faire pêche. La vie, c'est ça, on oublie vite toutes les règles du fair play. Si ça se trouve, tu crois que c'est du rhythm and blues. Non, non, c'est du rap et Nosta, c'est vite fait le blast. Et si ça se trouve, nous étions ces petits qui crament les fêtes foraines, mes fêtes, vos rêves. Ici, on brûle tout comme un feu de forêt. Et si ça se trouve, comme beaucoup, j'ai la rage au ventre. Ou encore pire, les nôtres vont mettre un barrage au vôtre. Et la mec, des hoches. Et peu importe la météo, comme la fédé. Si ça se trouve, va prendre la barre et la mettre au haut. Nosta, 13, Swill, Chaudard, au décide de ça, destin indécis. Si ça se trouve, on pourrait sûrement faire bouger les sourds et muets sur un beat lourd. Sans rimer, on aurait pu être de temps en temps un peu dur à cuire. Ce genre de plaisantin qui connaît pas la rancœur. Eh hey cousin, si ça se trouve, t'es un fils de riche. Et en plus, par peur, t'es sur liste rouge. Arrête tout ça, toutes les erreurs ne sont pas récupérables. Mytho, man, mais casse qui paraît, tu paieras. Si ça se trouve, au bled, moi je suis polygame, pas hooligan, amateur de tasse et de jolies dames. Si ça se trouve, t'es radin, ouais. On traite de sale feu, au paradis, on ira tous sur un air de sol, je fais. Si ça se trouve, on fera le tour du monde comme Marco Polo. Avec des si, on laisserait tous des Marco Polo. Si ça se trouve, tu kiffes et tu chantes la la la. Quand même si on n'est pas la lame, c'est dansant, t'en as mal à l'âme. Ouais, si ça se trouve, au fond de toi, tu penses le peur assez nul, tu sors en bande le samedi. Te crois-tu opérationnel? Si ça se trouve, tu baisses la vie, en poche une liasse de discalable. Mais pas de palabre, tu jettes la France d'en bas et t'en restes pas là. Tu niques tout le monde, tant pis si on n'a pas l'âge, donc là il faut de la maille. Et pour le reste, gros, c'est l'escalade. Si ça se trouve, c'est la merde, la vision d'un banlieusard. Cousin, j'suis là à squatter sur le banc le soir. Si ça se trouve, la vie c'est speed, faut peser le pour et le contre. Ne pas être comme ce mec, c'est pas pourquoi il courait le con. Nickel beat sans être une caille, rataille. KF, à 3-2, tu perds la guerre avant la bataille, rataille. Si ça se trouve, j'suis un vrai péché, moi j'manque d'eau courante. T'inquiète, j'suis au courant que dans les 11, bon courant. En courant, j'irai loin, j'ai pour but d'aller haut, D-A-R. Si ça se trouve, on quittera les halls. Un 3-2, 94, ma gueule, fédération, ouais.